Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Salut, ici Denis Talbot. Frank the Tank. Ian Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Bienvenue tout le monde dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné, c'est moi, votre animateur. Et pour m'accompagner encore une fois cette semaine, les deux louveteaux, les pros du podcasting, les amants du gaming, Luc Desormeaux. Si bon, tu meurs épais à soir. Salut Jean-Benoît. Salut. Et Daniel Carosella. C'est moi. C'est toi. C'est moi. Ça va bien? Ah oh oui, je te remercie pour les adjectifs presque virils que tu as utilisés pour nous décrire vraiment. Là, pour vous gâter les boys. Ouais. Pas de dépenser ces adjectifs. Et on parle virilité, gâté. Non, c'est pas un match que j'aime en ce moment. Enchaîne. Ouais, ouais, passons à autre chose. Hey, on a plein de trucs à jaser au monde aujourd'hui dans le cadre de l'émission. On va, entre autres, parler de The Wolf Among Us. Ça, c'est Telltale Games, la gang qui s'était fait connaître avec leur jeu Point and Click, renouveau dans le genre avec la série The Walking Dead qui avait fait fureur. Ouais, ben, puis ils vont continuer avec Tales from Borderlands, qui va sortir incessamment. Ouais. Puis aussi un jeu sur Game of Thrones qui va sortir de leur part. Fait que, écoutez, je vous en reparle, mais The Wolf Among Us, je l'avais pas joué en format épisodique. J'avais attendu l'ensemble complet. Belle petite découverte. Oh, il avait fait aussi un jeu Back to the Future. Oui, c'est vrai. À ne pas oublier. C'est vrai, c'était avant The Walking Dead, d'ailleurs. Oui, ouais. C'est ça. C'était bien. Toi, Luc, tu vas nous parler d'un film avec La Roche. Avec La Roche, pas La Poêle, l'acteur. The Rock. Oui. Ouais, c'est ça. L'ex-lutteur. Oui, c'est ça, l'ex-lutteur. Pas l'ex-lutteur, non, l'ex-lutteur. Et puis ça commence à être compliqué. Pas La Poêle The Rock vendu par Starfrit, mais bien l'acteur The Rock, ex-lutteur, qui est maintenant acteur. Bon, c'est ça. C'est, j'espère que c'est clair. Ouais. Puis le film, c'est quoi? Hercule. Ah, OK. Qui n'est pas une roche. Ça s'accorde avec... Il y a le physique de l'endroit. Qui n'est pas une roche, ouais, c'est ça. Qui n'est pas une roche. Non. Hercule, c'était pas une roche, là. Non, c'était pas une roche. Il a rushé, mais c'était pas une roche. C'est ça. Et on va faire ensemble la critique de Chariot. Il y a quelques semaines, on avait eu un des membres de l'équipe la gang de Frima Studio qui avait développé le jeu. Et là, ben, on va en faire la critique. On va faire ça à la gang parce que nos avis divergent. Bon, on vous garde la surprise pour un petit peu plus tard. On débute avec nos fails de la semaine. Dan, encore une fois, Monsieur Malheur. C'est le retour. C'est le retour. C'est le retour. Tu déverses ton venin là, sur la vie. Là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe pas trop de choses négatives, hein, malgré mon ton. Ben, en fait, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un ton un petit peu plus joyeux. Il n'y a pas tant de choses négatives que ça. Je l'ai quand même soulevé deux petits trucs. Là, à pas peine. D'histoire de Chinois mort dans un café Internet. Là. Pas en tout cas, sûrement, mais j'en ai pas vu. Ou en tout cas, il n'y en a pas un qui a détruit un café Internet récemment. Fait on que... l'a manqué. Ouais, c'est ça, c'est pas assez hot pour les médias. Mais non, je voulais vous parler de deux trucs. Le lancement du dernier Assassin's Creed a peut-être pas été ce qu'Ubisoft espérait. Je sais pas en termes de vente. Je pense quand même que le jeu a performé au niveau des ventes. Mais au niveau de la confiance des investisseurs, et ça a peut-être pas été le scénario idéal pour Ubisoft. Il y a une bunch de vidéos assez satiriques, merci, qui font un peu l'étalage des bugs dans le dernier Assassin's Creed. Là, je veux pas parler de Rogue. Je veux parler vraiment de Unity. Il y a des bugs... personnellement, j'y joué à Unity. Je veux juste mettre mon petit grain de sel au niveau du jeu. Peut-être un jour, j'en reparlerai sur le podcast dans une critique plus formelle. Mais... le jeu est pas si pire que ça au niveau des bugs, honnêtement. J'en ai pas trouvé de majeur. J'en ai trouvé plus des drôles que d'autres choses. Genre, tu tues une personne puis elle est vraiment couchée sur ses jambes, là, par en arrière. Ça, c'est très drôle. Okay. J'avais partagé un truc de ce genre-là avec Watch Dogs aussi, où est-ce que j'avais en sautant par-dessus une clôture, quand tu tombes sur quelqu'un, ça le tabasse comme automatiquement, puis il y avait comme un air climatisé qui était dans les pattes, puis disons que le corps de mon de la personne que j'ai tabassé plus l'air climatisé, il avait comme décidé de faire une gigue ensemble. Ça avait c'était pas merveilleux. Ça. Mais bon, c'était plus drôle que problématique. Le jeu avait pas planté puis ça avait continué. Là, par contre, avec Assassin's Creed, moi, j'ai vu du monde passer à travers les planchers. Oui. Je dis pas qu'il y en a pas là, des bugs où justement tu passes à travers les planchers ou d'autres choses. Là, à un moment donné, tu te retrouves à courir dans les airs au lieu de courir sur un toit, ce qui fait en sorte que tu cours à l'infini. C'est-tu le retour de Fallout New Vegas? Je dirais pas si pire que ça, mais on n'est pas loin. Mais tu sais, juste dire, puis c'est ce que j'ai dit d'ailleurs sur Twitter durant le dernier week-end, oui, il y a des bugs, c'est pas si pire que ça, mais est-ce que le jeu manque d'optimisation? Ça, c'est clair. Ça, là, c'est clair. Mais c'est pas là que je vais en venir au niveau de mon fail. De un, au lendemain de la sortie de Unity, l'action d'Ubisoft a perdu 9%. Déjà là, ça va pas bien. Mais il n'y a pas quelqu'un chez Ubisoft qui, en entrevue, me semble que je lisais ça, qui disait « Ouais, mais les joueurs, ils veulent un jeu par année, fait que tu sais, on manque de temps pour les polir. » What? Non, mais c'est ça, là. C'est qu'on a signé pour un jeu buggé par année? Non, mais tu sais, Black Flag était pas si pire, là, honnêtement. En fait, je trouve que c'est un des meilleurs depuis Assassin's Creed 2, mais c'est pas un par année, là. On en a deux, là, avec Rogue. Oui, on en a deux, mais de deux, je veux dire, il y a personne qui oblige Ubisoft. Je pense que Ubisoft s'oblige à sortir un assassin par année, tu sais, pour les investisseurs d'Ubisoft obligent Ubisoft à sortir un assassin par année. Ben c'est ça, tu sais. Fait que puis là, d'ailleurs, ça a amené la direction d'Ubisoft à dire, ben les prochains Assassin's Creed, s'ils sont pas assez polis, ben il y en aura pas un par année, tu sais. Fait que c'est ça. Le lancement de Unity, je sais pas au niveau des ventes, je pense qu'il a quand même assez bien vendu. En tout cas, si je regarde la trollée de monde qu'il y avait autant à Toronto qu'à Montréal pour le lancement, ça devrait être pas pire. Mais au niveau de la confiance des investisseurs, ça a pas bien été. Puis au niveau, je pense même de la direction d'Ubisoft, quand ils ont vu que le jeu contenait autant de bugs, puis oui, je le sais, c'est super rushant les fins de projet, puis il faut que tu y ailles plus vite que tu voudrais. Mais là, je pense qu'on a dit, OK, là, si on a envie que la série continue, déjà qu'il y en a qui nous disent que ça devrait arrêter, là, il va falloir peut-être mettre un petit frein, là, puis dire, OK, on n'en sortira peut-être pas un par année. Donc, Ubisoft devrait quand même se reprendre avec un Far Cry 4 qui a de l'air quand même à la hauteur des espérances. Fait que... Mais Assassin's Creed 4, ça avait 4, 5, 12, ça avait pas l'air à la hauteur des espérances aussi quand on regardait les vidéos et tout ça. Ouais, mais là, je te parle au niveau de ceux qui ont déjà joué. Là, ah, OK. Qui ont émis quand même des commentaires très positifs en droit de Far Cry 4. T'sais. OK. Mais ça, on s'en reparle pour Far Cry 4. Ouais, moi j'ai entendu dire que le moteur graphique commence à vieillir. Ben... oui, mais... Ça, rarement, ça rajeunit, là, on va s'entendre. Là, mais... Ouais, non, c'est vrai. À part que t'en prennes un œuf, là, c'est jamais rare que ça rajeunit. J'ai jamais entendu ça. Ouais. Ouais, non, mais tu sais, hey, le moteur rajeunit. Ah oui, ah... Coudonc. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais un petit truc par rapport à Ubi. Puis, écoute, je suis pas sûr si c'est un win ou un fail. Fait qu'en partant, c'est déjà drôle. On a vu du monde parlant de Far Cry 4... commencer à publiciser le fait qu'on pouvait terminer le jeu en 15 minutes. Ouais. C'est un jeu de 35-40 heures là, que tu finis en 15, puis tu sais, c'est déjà trouvé. Là. On est au lendemain du lancement. Là. Avec ou sans... Mais avec ou sans glitch? Aucun glitch, rien okay. Pantoute. Pas de cheat ou de code de triche? Non, pas du tout. C'est que le jeu implicitement t'amène à te sauver à un moment donné dans l'histoire, sauf que si tu décides de pas te sauver, puis que t'attends que ce qui doit arriver arrive, ben le jeu termine. le gars il te libère, puis ouais, merci, bonsoir, salut. Ah, c'est intéressant. C'est comme tu commences le jeu, puis là tu te sauves en courant, mais le méchant, le gros méchant du jeu, il est à côté de toi, puis finalement tout ce que t'as à faire, c'est te revirer puis mettre une balle dans la tête, 30 secondes, fin générique. C'est quasiment ça. Mais tu sais, dans le sens méta, là, de dire, ben écoute, il y a un choix implicite, tu sais... 99% des joueurs vont le faire, tu sais. Il y en a un qui a fait comme non, puis ils ont pensé à coder de quoi pour lui, puis voilà, le tour est joué. Fait que je me demande si c'est un win ou un fail, tu sais, d'acheter une copie à 80$. C'est sûr que, tu sais, tu le fais même, là. T'as le trophée, puis après ça, t'en redécolles, on s'entend, là. Mais c'est clair que la première personne qui a pensé là, est wise. Là. Ouais, c'est sûr. L'équivalent de dépenser 100$ en appelant Jojo Savard. Tu sais. C'est comme 15 minutes, je sais pas, j'ai dit ça de même. 15 minutes, t'as fini ton jeu, c'est comme, ouais, c'était comme court. C'était court. mais je pensais à, ouais, c'est comme l'équivalent du méchant qui dit, oh ouais, enfuis-toi, donc tu veux pas de la merde. Restons là, là, puis on va en pogner un autre. Merci, au revoir. J'ai fini. Bye! En terminant, M. Malheur, tu veux parler de Sears un peu? Ben certainement. Sears, magasin qui est encore en vie. Une chaîne de magasins qui est encore en vie. Oui, ça me plaît de tonner. J'ai surprise. Coucou! Ben moi, je sais qu'il est encore en vie parce que j'achète quand même quelques morceaux de linge. Là. Sears vend aussi des jeux vidéo, croyez-le ou non, des consoles aussi. Sears a fait, il y a eu un petit bug sur leur site Internet. Bon, les Wii U, les 3DS, ça se vend 300$, 200$ puis 200$ respectivement. Mais là, oh, surprise! Il y a des utilisateurs qui sont allés sur le site web de Sears et qui ont vu que chacun des ensembles était vendu 60$. Mais il y en a-tu pas qui ont sauté là-dessus? Fait qu'ils sont allés à leur Sears local, puis ils ont dit, ben, donnez-moi un ensemble, il est vendu 60$. Fait que là, les commis ont commencé à regarder ça. Oh mon Dieu, c'est pas juste en ligne. Ah ben oui, c'est bien affiché, tout. Qu'est-ce qu'on fait, là? On le vend-tu ou on le vend pas? Il y en a, pour certains, ça n'a pas marché, mais il y en a une bonne gang pour qui ça a fonctionné. Puis, je vous dirais qu'il y en a aussi qui sont essayés dans d'autres magasins, d'autres chaînes de magasins, finalement, pour avoir ce qu'on appelle un price match. Donc, comment qu'on peut traduire ça en français? Une l'égalité des prix qu'il appelle. Politique d'égalité des prix. Puis, il y en a certains, ça n'a pas marché parce qu'ils ont dit, ben, c'est clair que c'est une erreur. Mais il y en a d'autres, ben oui, ils ont égalisé les prix. Fait que, par exemple, chez Toys R Us ou chez Walmart, c'est marqué en dessous de la facture, « Hey, hey, bravo, tu as économisé 240$ aujourd'hui. » Fait que, tout ça pour dire que, est-ce que c'est un win, est-ce que c'est un fail, ça dépend de quel côté vous vous positionnez. Pour Noël, t'as le choix de t'acheter Skylander Trap Team ou une Wii U. Ouais, non, c'est ça. Pour le même prix, qu'est-ce que tu veux? Ou même moins cher encore, ouais, la Wii U. C'est ouais, parce que t'as pas les bonhommes à acheter avec, mais ouais, non, c'est spécial. T'es rare que la console te coûte moins cher qu'un jeu. Eh oui, mais ça arrive. Mais tu sais, c'est un bug, là. Sears a rectifié le tir depuis, je vous rassure. Ils n'ont pas fait ça. Ah non, je vais y aller, là. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est en train de mettre son CV à jour. Peut-être. À quelque part. Sûrement. Fait que voilà, fait que Monsieur Malheur a terminé pour cette semaine. Parlant de CV à jour, la gang de Frima ont un nouveau petit truc à mettre sur leur CV. Un jeu qui est disponible gratuitement actuellement sur Xbox One. C'est le jeu Xbox One Gold, là, les deux jeux gratuits par mois supposément qu'on est censé avoir, mais là, c'est comme 12 mois que c'est celui-là. Pas 12 mois. Un méchant bon deal avec la gang de Microsoft. Donc, si vous ne l'avez pas encore, c'est le temps, allez le télécharger. Et nous autres, ben, on va en faire la critique. Je veux savoir, là, on va faire ça à trois. Premièrement, il n'y a pas vraiment d'histoire, là. C'est un roi qui décède, puis on doit traîner son cadavre, ouais. Ouais. Dans un genre de chariot tombeau, puis il faut se rendre à quelque part pour honorer sa mémoire. Après ça, le côté prémisse, c'est assez tranquille. Ouais, c'est ça. C'est un roi radin qui veut, dans la mort, avoir des richesses. Fait que c'est à peu près ça. C'est vraiment le gars qui veut pas mourir, puis qui est le fatigant, que tu penses que tu vas t'en débarrasser la journée, qu'il va lever les pattes, mais non, malheureusement, il reste, puis il tape ses nerfs en disant « plus d'argent », tu sais. Et c'est vrai qu'il peut taper ses nerfs, à un moment donné. Et, petite affaire, des fois, il est gossant, surtout d'un niveau plus loin, là, quand que tu commences à utiliser des trampolines, tu te le quittes, puis là, il se ramasse dans les airs, puis t'as un certain temps où tu peux pas être trop loin du chariot, puis là... Il répète toujours les mêmes phrases parce qu'il est comme, il pogne la trampoline, toi t'es à terre pis t'attends qu'il redescende, c'est poing, pis là, il dit, vous en allez où? Pis c'est pas moi qui s'en va, c'est toi. Ouais, c'est toi qui saute, pas moi. Mais non, c'est ça, moi, c'est un jeu que j'ai bien apprécié. C'est sûr, il était grétis, ça aide, là. Mais c'est un jeu que je trouve coloré. Je trouve que les décors sont super beaux. La prémisse est intéressante, là. On peut jouer seul ou à deux. À ce que je sache, puis moi j'ai pas essayé à deux, c'est seulement sur le même divan. Puis là, c'est drôle parce qu'on chiale quand les compagnies nous obligent à jouer en ligne. Puis là, on a un jeu qu'on peut jouer sur le même divan, puis on chiale pareil. Donc, il y a du monde qui aurait aimé ça jouer. Ouais, mais ça aurait été le fun de pouvoir jouer en ligne. Puis quand il y a des jeux qui jouent juste en ligne, ouais, mais ça aurait été le fun de pouvoir jouer tous les deux sur le même divan. Bon, faudrait se brancher. On veut avoir le choix. C'est donc, ça, Luc. On veut avoir le choix. Je sais. Mais eux autres, ils ont décidé que c'était à deux sur le même divan. Je pense que ça devrait faciliter aussi le gameplay de jeu-là, parce que être à distance puis pas nécessairement, tu sais, pouvoir se parler facilement, ou oui, avec les écouteurs, mais c'est pas nécessairement évident. Peut-être deux sur le même divan, c'est plus simple. Fait qu'il y a comme quoi, quatre personnages dans le jeu. Il y a le roi, il y a la princesse qu'on incarne si on joue tout seul, il y a le prince qu'on incarne si on joue à deux, puis il y a le vendeur. Mais tu peux incarner, même en solo, tu peux incarner soit la princesse ou son fiancé. Tu peux alterner entre les deux. OK, mais moi, je peux pas changer. Mais ça change rien hein, au niveau du style de jeu. Je veux dire, que vous choisissiez l'un ou l'autre, là, ça fait absolument rien. Ben, le fiancé, il ne tire pas avec un slingshot? Une épée? Ouais, c'est ça. Oh, grosse différence. Ouais, ben, ça change quand même un peu le style, comment tu vas battre les ennemis, là. Mais c'est simple, je veux dire, c'est simple comme jeu, tu peux pas mourir. Non. En effet. La seule chose que tu peux faire, c'est quand tu te fais attaquer par des ennemis, ils se foutent carrément de toi. Ce qu'ils veulent, c'est les bébelles qui sont dans le chariot, donc l'or, les diamants, puis tout ça. Puis t'as le roi qui panique parce qu'ils sont en train de me voler, arrêtez-les. Puis toi, pourrais rester là toute la journée, puis tu verrais juste les chiffres descendre. Là. Ben, des fois, je pense qu'il prend du plaisir quand même, parce que des fois, il dit que ça le chatouille. Non, peut-être. C'est clair. Mais faut le dire, c'est un jeu de casse-tête, avec de la plateforme, beaucoup de réflexion. Moi, là, je vais être franc là, tout de suite. Là, je l'ai trouvé beau. J'ai trouvé que l'idée était bonne. La façon de le faire était correcte. Mais j'ai pas eu de fun. Mais tu vois, les jeux de tête, les jeux de réflexion, c'est pas pour toi. Ouais, c'est ça. Tous bon, des jeux de tête. C'est pas le public cible. Non, mais c'est ça. Faut que t'aimes te casser la tête. Faut que t'aimes chercher. Faut que t'aimes aussi un peu les plateformes. Mais. C'est un peu comme si Mario traînait tout le temps quelque chose avec lui. Mais j'ai pas de problème avec ça. Il me semble que j'avais pas de sentiment d'accomplissement. Puis je trouvais ça, les tableaux, peut-être un peu trop longs. Des tableaux là, aisément là, au-dessus de 18 à 20 minutes. Là. Ça, c'est parce qu'il faut que tu cherches. Parce que là, t'as des crânes à trouver. T'as trois crânes dans chaque tableau. Fait que là, faut que tu trouves les trois crânes. Puis là, t'as des plans aussi pour faire des gugus que tu peux trouver dans un tableau. Fait que là, si tu cherches partout, puis t'essaies de faire tous les chemins. Puis au début, c'est pas trop difficile parce que t'as pas de porte à barrer avec des clés ou des plaques à pression. Mais là, plus tard, t'as ça. Fait que là, ça rajoute un niveau de difficulté. Là. Ouais, mais... les niveaux à un moment donné peuvent prendre 40 minutes facile. C'est très long. Faut dire que Chariot c'est fait en fait chaque niveau est une partie de caverne. Ouais. Donc faut que tu progresses. Ton but c'est vraiment d'arriver à la fin. Ouais, c'est ça. C'est de trouver la sortie. Ton but, c'est d'arriver à la fin. Puis d'accumuler des richesses. Puis c'est ça, jusqu'à temps que tu arrives à un lieu, soi-disant, de sépulture digne du roi. Mais c'est vraiment ça le but. Tu as des sorties cachées aussi. Donc, ça, éventuellement, tu vas acquérir des habiletés qui vont te permettre de trouver des nouveaux chemins dans des niveaux que tu as déjà complétés. Ça, j'ai quand même trouvé ça intéressant. Faut dire que Chariot, pourquoi ça peut devenir frustrant? C'est une problématique que j'ai remarqué dans beaucoup de jeux qui utilisent cette mécanique-là. C'est que c'est un jeu qui fonctionne avec la physique. Ouais. Donc, c'est un jeu où, finalement, le chariot que tu vas traîner va beaucoup réagir en fonction des obstacles auxquels il va se cogner. Ce que ça fait en sorte, c'est que il y a des mouvements qui peuvent être assez difficiles. Des fois, ton chariot peut prendre le bord, peut aller comme tu disais, Luc, peut partir, là, puis là, il part. Là, puis là, tu le perds. Puis là, tu recommences ton niveau. C'est ça. Tu sais, ça peut devenir gossant à longue. Puis c'est pour ça que JB, autant on n'était pas totalement d'accord, autant je quand même un peu d'accord avec toi parce que Shoryu, c'est un... Attends, mais ben, laisse-moi m'expliquer, là. Shoryu, vas-y, c'est un... j'ai rien dit. Non, mais t'as ri, puis ton rire, il veut dire des affaires. Ah oui, oui, mais je vais avoir bien des affaires à dire, mais je te laisse aller. OK, non, mais ça sera pas là. C'est juste pour dire que Shoryu, je peux... Tu sais, c'est un jeu que j'ai quand même apprécié. C'est un jeu qui m'a quand même surpris parce que j'attendais rien de ce titre-là, puis je le connaissais pas vraiment. Mais par contre, c'est un plaisir que j'ai eu à petite dose. Fait que, ouais, tu sais, c'est pas un jeu dans lequel je suis parti des heures de temps, vraiment pas. C'est un jeu, j'y jouais, bon, le temps de un ou deux niveaux, j'allais jouer à d'autres choses. Écoute, à 40 minutes du niveau, Daniel, là, les petites doses sont assez grosses, là. Puis, écoute, c'est encore pire, là. On a besoin de faire du backtracking, de trouver des nouvelles sorties pour trouver plus d'argent, pour trouver des nouvelles techniques, des nouveaux, tu sais, des plus qui débloquent d'autres éléments pour les autres tableaux. Fait que quand t'as 40 minutes de tableau, faut que tu refasses du backtracking, là. C'est intense, là. Est-ce que ça, t'es pas obligé de faire du backtracking? Tu y vas si tu veux, mais tu vas juste avoir moins de bidules pour t'aider à finir ton niveau. T'sais, ça va juste être plus long les niveaux d'après? Ben, c'est que juste, t'auras pas nécessairement tous les outils. Tu trouves des plans pour te construire des affaires. Fait que si t'as pas les plans, t'auras pas les atouts pour te faciliter la tâche, peut-être, là. Mais tu comprends ce que je veux dire, là? Oui, oui, oui, c'est sûr. Oui, puis tu sais, t'as pas tort de dire que probablement qu'il y a une longueur peut-être excessive des niveaux. Parce qu'à un moment donné, 40, 45 minutes, 50 minutes, puis ça, c'est quand t'es pas pire là, à jouer avec les mécaniques de physique. Mais quand tu commences à rusher, puis tout, là, ça peut te prendre plusieurs autres minutes là, supplémentaires. Puis ça, c'est quand tu pognes pas un casse-tête que justement, là, tu sais pas trop quoi faire. Fait que il y a ça aussi là, qu'il faut considérer. Fait que je suis d'accord pour dire que il y a plusieurs niveaux qui seraient peut-être... Petite affaire trop... Ben, pas petite affaire, mais peut-être un petit peu trop long. Ouais. Écoute, il y a un petit bout de temps, il y avait le Luigi édition là, de Super Mario Bros. 2, le New Super Mario Bros. 2, qui avait une version de Luigi, puis les tableaux étaient en dedans de 100 secondes. Là, puis on demandait de se dépêcher. Puis tu sais, à un moment donné, des plateformes, ça reste des plateformes. C'était beau avoir des mécaniques. À un moment donné, il y a un maximum de mécaniques que tu peux mettre en place sans que ça se répète. Tu vas toujours avoir une construction qui va finir par « Ah, ça me rappelle telle affaire. » Quand tu as un tableau, là, les plus courts durent 20 minutes. Là. Puis après ça, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Ouais. Tu refais plusieurs fois les mêmes mécaniques. Là. Pas de besoin. On fait souvent les mêmes affaires. Là. Parce qu'il faut dire, en enfant, les mécaniques de Shoryu fonctionnent avec les roues. Hein? Donc, dans le fond, tu as le chariot qui est soutenu par une plateforme sur laquelle il y a deux roues. Donc, c'est un chariot. Et toi, dans le fond, tu dois t'accrocher à une des deux roues avec ta corde puis ton crochet. Là, c'est sûr que tu peux éventuellement acquérir d'autres objets pour t'aider. Je pense, par exemple, à un pieu que tu vas pouvoir mettre dans le sol puis qui va te permettre de descendre, en tout cas, plus longtemps. Mais la base l'essence même des mécaniques du jeu, c'est les roues. Et donc, tu t'accroches et selon la roue où tu vas t'accrocher, selon le mouvement que tu vas faire, ben, ton chariot va basculer dans une direction ou une autre. Là, d'ailleurs, si vous vous demandez est-ce que le roi peut sortir de son chariot comme un corbillard si jamais tu le renverses, non, pour une raison inconnue, c'est fermé hermétiquement puis il tourne à 360 degrés. Fait que, mais ça fonctionne comme ça. Puis c'est ça, à un moment donné, qui peut devenir frustrant, c'est que dans le sens que parce que le chariot est aussi mobile, parce qu'il interagit comme ça avec les obstacles puis avec les différentes structures, il fait pas tout le temps ce que tu as envie qu'il fasse. Non, vraiment pas. Fait que ça peut devenir légèrement gossant. Ou des fois, il fait totalement le contraire de ce que tu veux. Puis plus que les niveaux deviennent compliqués, comme à un moment donné, je parlais tantôt des trampolines où faut que tu fasses sauter le chariot pour qu'il prenne de la hauteur. Puis là, faut que tu sautes toi aussi pour prendre de la hauteur. Puis là, faut que tu pognes le chariot avec la corde pour le retirer vers toi pour aller sur une plateforme où ce que toi t'es rendu. Mais là, le chariot s'en va à peu près n'importe où. Puis des fois, tu le vois s'en venir vers toi. Puis là, hop, il décide qu'il s'en va, qu'il s'en retourne vers l'autre bord. Puis là, t'as le roi qui dit « Hey, où est-ce que tu t'en vas? » C'est parce que je suis nulle part. Là. Je suis titre, c'est toi qui rebondis partout. Ouais, c'est ça. Ah ouais, il cite, vieux mort. Une des affaires que j'ai notées dans les trucs plus négatifs, Je sais pas comment est-ce qu'ils ont calibré là, power feedback, là, la force dans la manette, là, les moteurs, là, mais en tout cas, sur la version One, parce que moi, c'est là-dessus que j'y ai joué, à toutes les fois que je tirais après la corde, là, j'avais l'impression que les moteurs de la manette étaient pour m'exploser dans les mains. Là. Ouais. Ça shake, mais pas à peu près. D'un, ça montre la puissance des moteurs qu'il y a dans les manettes, là, mais en même temps, c'est trop c'est comme passé. Là. C'est parce que des fois, là, les moteurs y arrêtaient parce que ça allait, c'était trop long. Ça tirait trop longtemps, trop fort. Puis ils arrêtaient au lieu de sauter, tu sais. Ouais. Il y a un problème de calibrage là-dessus, clairement, là, que la gang de Frima aurait dû regarder. Là. Ouais. Ça, mais... c'est dur, ces batteries. Ben, ouais. C'est dur. Oui, mais aussi. C'est surtout dur sur la manette, là. Non, oh, oui, c'est sûr. Ben, ça dépend si tu la mets, en tout cas. Bref, on passe à l'autre chose. Mais il y a quand même des points positifs à ce jeu-là. Moi, personnellement, j'ai trouvé bien accrocheur. Tu sais, je sais que c'est juste accumuler des richesses pour accumuler, puis aussi, bon, pour acquérir des objets supplémentaires. Mais moi, essayer de trouver le plus de richesses possible dans les niveaux, ça, je trouvais ça le fun. Je trouvais ça accrocheur, justement, essayer de passer un peu partout, essayer de compléter les différents casse-têtes pour finalement accumuler le plus de richesses pour le pauvre petit roi Trépas, qui est passé de vie à Trépas. Ça, j'ai trouvé ça accrocheur. C'est ce qui m'a le plus gardé, je dirais, dans le jeu. C'est ce qui a soutenu mon intérêt pour Shenryu. T'sais, visuellement, vous l'avez dit, moi, j'ai trouvé très joli. Ma blonde, la première fois qu'elle l'a vu, elle a fait « Arc, mais qu'est-ce que c'est ça? » Moi, j'ai trouvé ça joli. Mais il y en a un qui est expert dans le jeu vidéo dans le couple, puis l'autre, non. Fait que... devinez lequel. j'ai trouvé la bande sonore aussi pas mal bien. T'sais, c'est une petite musique toute douce, puis il y a la voix de Guinadon. Ouais, ouais. Ouais. La voix est toute chaleureuse, puis... Mais parfois, qui tombe ses nerfs, parce que c'est le roi, puis des fois, ça se répète, parce que il fait quelque chose, puis c'est hors de ton contrôle, qu'il rebondisse partout, puis toi, t'essaies de le pogner, puis tu peux pas l'arrêter, puis ça répète, puis c'est comme... C'est beau, j'ai compris la 8e fois que tu me l'as dit. Ouais, c'est ça. Mais bon, oui, il y a une bonne voix pour être roi dans ce jeu-là. Moi, une affaire qui m'a tapé ses nerfs, c'est le système de cordes. J'aurais aimé ça qu'il fasse que tu sois pas toujours obligé de tenir le bouton enfoncé pour tenir la corde. Peut-être, ouais. Tu sais, une fois tu l'attaches, une fois tu la détaches. Mais tout le temps de promener avec le bouton enfoncé, avec le trigger enfoncé, puis là, de promener, puis le sauter en même temps, puis tout. Des fois, c'était un petit peu fatigant. C'est un peu fatigant, ouais. Mais pour le reste, je veux dire, j'ai pas grand chose à dire. J'ai eu beaucoup de plaisir, un peu de frustration. À un moment donné, c'était presque manette, rencontre, télévision. Mais, ouais. Mais je me suis retenu, puis ma TV me remercie. Et la manette aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'était pour un jeu pour passer du temps. Puis, mais comme tu dis, Dan, c'est en petite dose. T'sais. Tu vas faire c'est un ça. Niveau où tu vas arrêter. Tu vas refaire un autre niveau où tu vas arrêter. Tu vas jouer à d'autres choses ou tu vas aller faire d'autres choses, puis tu vas y revenir. T'sais. Fait que je l'ai pas fini, je vais probablement continuer à y jouer pareil parce que je veux voir les autres niveaux. Là. Moi, j'étais rendu au niveau des trampolines à un moment donné, puis à un moment donné, t'as des places où t'as des chemins différents. On en parlait pendant l'entrevue, justement, t'as des chemins de vie, t'as des chemins de mort, puis là, toi, tu peux piler ces chemins de vie, tandis que le chariot, lui, passe à travers, puis il fait juste pendre, puis t'as des chemins de mort où le chariot va passer dessus, puis toi, tu vas juste pendre. Ouais. Fait, faut apprendre à travailler avec ça, puis plus à un moment donné, t'as les deux mélangés ensemble, fait que là, faut vraiment que tu travailles les deux en même temps. Ça peut venir assez compliqué, puis un beau petit challenge de passer à travers les niveaux. Puis il y a des niveaux où que la sortie est en haut, puis la seule manière de te rendre, c'est les trampolines ou quelque chose comme ça, puis manque pas ton coup sur une plateforme parce que tu redescends en bas. T'sais. Puis t'as les ennemis, il faut que tu fasses attention les bruits que le chariot fait en tombant, parce que s'il tombe, ben il va faire un rayon de bruit. Puis si ça rentre tout ce que t'as tes petits méchants, ben ils vont se mettre à t'attaquer et à te voler tout ce que t'as dans ton petit chariot. Mais c'est bon. Ça. Mais c'est agréable, pareil. Est-ce qu'on est prêt à donner une note? Oh, ouais. Oui. Allez-y, m'en finir. Ouais, ok, on va du plus bas au plus haut. Je pense qu'on ressemblait à ça, ouais. C'est, moi, j'y vais avec un 5.5. Okay. C'est parce qu'à un moment donné... Maudit cheap. Un jeu, c'est censé être le fun, puis j'ai pas eu de fun. Même si je reconnais tous les points positifs, tu sais, graphiquement, il est beau, tu sais, tout ce qui est sonore, c'est super beau, les mécaniques, tu sais, tout, mais j'ai pas eu de fun, puis il y a des jeux qui auront zéro de ces éléments-là, mais je vais avoir du gros fun, puis que je vais avoir le goût de retourner jouer, puis c'est pas le cas pour lui, fait que moi, c'est toujours le critère numéro 1 pour 5.5. Je vais y mettre un 7. 7 sur 10. J'ai un petit peu plus de fun quand même que JB. mais faut apprécier le genre des jeux de casse-tête. Je vous dirais, faut aimer aussi les casse-têtes qui utilisent la physique. J'ai pas d'exemple rapide là, qui me viennent en tête. Là. C'est loin d'être le premier jeu qui utilise ce genre de mécanique-là. Mais par contre, je dirais, les jeux qui utilisent ça, c'est risqué parce que t'aimes ou t'aimes pas. Fait que il y a comme pas d'entre-deux là-dedans. Fait, tu sais, je dirais Frima a fait un exercice qui est plus qu'honnête. Je pense que c'est un bel exercice, mais c'est un pari qui est risqué quand même dans ce genre de jeu-là. C'est pas juste un jeu de plateforme, c'est un jeu aussi de casse-tête. Ça peut être frustrant. Ah, puis moi, je vais pas bien loin dedans. Je donne un 7.5. J'ai adoré le jeu, j'ai adoré les graphismes, les couleurs, l'environnement sonore d'être pris dans une caverne, puis quand t'échappes ton chariot, l'espèce de, tu sais, de bruit que ça fait, puis toute la petite musique, puis le commentaire aussi de Guinadon dans le rôle du un des seuls personnages parlants. Il y a lui, puis il y a le vendeur qui parle. Fait que j'ai aimé ça. Ce que j'ai aimé moins, c'est, comme on en parlait, la longueur des niveaux. On aurait dû garder ça plus court, maximum, mettons, une vingtaine de minutes par niveau, quitte à ce que le jeu soit moins long en tant que tel, en durée de vie. Puis je rends juste ça plus satisfaisant. Puis peut-être être un peu plus gratifiant aussi, parce que c'est vrai que tu finis un niveau, puis ah, OK, je suis rendu à la fin. Puis s'il y a pas, tu sais, il y a pas vraiment grand chose au bout de la ligne là. Ouais. Mais je pense que c'est un beau premier essai. Je pense que si il recommençait ce jeu-là, il pourrait améliorer juste certaines petites choses qui feraient que ça serait un jeu encore plus engageant, peut-être plus amusant. Mais regarde, Microsoft a clairement vu quelque chose dans ce jeu-là pour qu'il soit le jeu fort du Xbox, du magasin Xbox pour la One, là, parce qu'il est là depuis longtemps, puis c'est drôle, mais tu portes ta console, puis il est toujours dans les jeux qui passent en avant de ta face, tu sais. Fait que je pense qu'ils ont vu quelque chose dans ce jeu-là, puis c'est juste super bien que ça soit un jeu fait au Québec en plus, par du monde sympathique, mais c'est ça, c'est un jeu qui vaut la peine, même s'il était 10$, 12$, 15$. Je pensais que tu allais dire même si JB a donné 5.5. Ouais, mais ça, on le sait que c'est pas ton style de jeu. Les jeux de tête, comme j'ai dit, puis les jeux de réflexion, c'est pas pour toi, JB. Tu vas en jouer à Myst dans pas long, là. Ouais, c'est ça. Non. Ouais. J'espère que t'as un ordi qui est assuré. Ouais, toi, c'est des headshots que ça prend. Bon, là-dedans, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Mais c'est quand même un bon jeu. Ça vaut la peine d'y jouer. Parlant de trucs qui ne nécessitent pas beaucoup d'utiliser son cerveau, Luc, t'as été voir Hercule avec The Rock? Oui, non, j'ai vu Hercule, oui, avec The Rock. J'ai vu Hercule chez moi dans... Ah, c'est vrai, c'est sorti... mon cinéma maison. Oui, ça a sorti cette semaine. Ça a sorti cette semaine en DVD. C'est pas un film très long, c'est un film qui dure 98 minutes, donc 1h38. On fait ça, comme on dit, short and sweet. Donc oui, c'est un film, comme on disait, avec The Rock, et non pas la poêle, mais bien l'acteur The Rock, ancien lutteur de la WWF ou E, dépendant de votre génération. Puis il y a aussi John Hurt qui joue le rôle d'un roi dans ce film-là. Donc, c'est un film qui est un peu bizarre. D'habitude, si on regarde les films qui parlent d'Hercule ou qui parlent de personnages mythologiques, on fait ça gros, on fait ça, tu sais. Hercule a battu, tu sais, il a eu 12 travaux, puis un peu comme les 12 travaux d'Astérix, ça, c'est, il a battu ça, il a réussi à regagner son rôle de sa place de fils de Zeus, puis tout le kit. Dans ce film-là, on y va un peu différemment, on y va plus comme on irait aujourd'hui dans le fait que, bon, c'est une histoire, c'est un mythe, c'est un personnage mythique. C'est un personnage qui a peut-être existé en tant que personne, mais ce qu'il a fait, c'est tout des contes et des choses comme ça. C'est peut-être le Luke Skywalker du temps des Grecs. Donc, c'est un peu vers ça qu'on s'en va. Donc, oui, on a humanisé Hercule. On a humanisé Hercule. C'est un peu ce qu'on relate dans le film, là, c'est qu'on commence on commence avec une scène de combat de Hercule qui se bat contre des énormes bibittes, un énorme lion, un énorme sanglier, puis un serpent à deux têtes, puis tout le kit. Donc, on commence vraiment avec ça. Puis après ça, on rencontre vraiment le personnage. Puis là, Mané Bane arrive puis il casse le dos. Hein. C'est ça, on l'a darknetisé. C'est ça, on l'a darknetisé. donc, c'est ça. Donc, on suit Hercule. Hercule, on apprend qu'il a perdu sa femme et ses enfants qui se sont fait tuer. Puis c'est lui qui est accusé de les avoir tués parce qu'il s'est réveillé dans le sang de sa famille en sachant pas trop ce qui s'est passé. Puis il s'est fait bannir de sa ville. Puis on lui a dit, si tu reviens, je vais te trucider, je vais te tuer. Et donc, il s'en va. Et puis... Bienvenue dans God of War. Ouais, c'est ça un petit peu. Mais il n'a pas perdu ses pouvoirs, par exemple. Ah, OK. Il n'y en avait pas, mais bon, c'est ça. Donc, on le suit. Hercule, qui est quand même un personnage qui est simple, il aime pas nécessairement, il fait pas nécessairement ça pour être célèbre, pour être riche. Lui, c'est vraiment, on s'aperçoit qu'il veut aider alentour de lui. Puis, il y a avec lui un groupe de personnes qui l'aident. Tout le monde a l'air à penser que Hercule, c'est Hercule, le fils de Zeus, puis qu'il peut tout accomplir les choses par lui-même. Mais on s'aperçoit qu'il y a une équipe qui est avec lui. Puis, il y a une archère, il y a des gens qui sont capables de se battre. Et puis, c'est à cause de son groupe d'amis qui réussit à s'en sortir. Donc, on va suivre ce groupe-là dans diverses aventures jusqu'à temps qu'il se fasse demander d'aller aider un roi à sauver son royaume parce qu'il se fait attaquer par un tyran. Puis ce tyran-là tue n'importe qui ce qu'il rencontre. Il va décimer des villages et tout ça, femmes et enfants, pour arriver à son but. Donc, Hercule va accepter de l'aider, toujours pour de l'argent, mais on s'aperçoit que c'est plus les gens alentour de lui qui sont attirés par l'argent. Lui, il veut juste vraiment comme aider, puis c'est à peu près ça. Donc, il se fait promettre son poids en or pour la mission. Il va même négocier d'avoir deux fois son poids en or pour pouvoir... ça donne le goût d'engraisser un peu. Hein? Ouais, c'est ça. Ça donne, amène-moi de la pizza. Mais c'est ça. Donc, il a réussi à négocier deux fois son poids en or pour arriver... s'il réussit la mission. Donc, il va partir puis il va former une armée aussi pour aider le roi. Il va former des paysans pour l'aider à battre les méchants qui arrivent et tout ça. Les méchants sont supposément des mi-hommes, mi-chevaux. Bon, c'est fait qu'on s'en va vers ça. Là. Il y a du mythe parce que c'est drôle parce qu'Hercule a l'air à dire mi-hommes, mi-chevaux, ça n'existe pas des centaures, tu sais, c'est impossible. Puis là, t'as du monde qui le regarde et dit, ouais, mais t'as pas battu un gros lion énorme et un serpent à deux têtes et des choses comme ça. Fait qu'on va tranquillement voir dans le film que tout ce qui est serpent à deux têtes, quand il a apporté le serpent à deux têtes pour prouver qu'il avait tué, c'était vraiment des humains avec des costumes de serpent. Donc, on détruit un peu les mythes. Puis à un moment donné, il rencontre un enfant qui est la fille le petit-fils du roi. Donc, sa mère, c'est la fille du roi. Puis, il dit, là, il compte tous ses 12 travaux. Puis là, tu vois, Hercule, il dit, ouais, ça s'est à peu près passé comme ça. Ouais, pas vraiment comme ça. Puis, pas vrai. Là, c'est là que tu vois qu'il déconstruit un peu les mythes. puis, il y a un peu d'humour dans le film aussi. Il y a un des acolytes de Hercule qui, lui, c'est un devin. Donc, il a vu sa propre mort. Il sait exactement comment et quand il va mourir. Et puis, avant d'aller à un combat, Hercule, il demande c'est aujourd'hui que ça se passe. Là, il prend une pause, il dit pas moi en tout cas. Puis là, il continue, puis il part. T'sais. Là, ils savent pas si les autres vont mourir, mais il sait que lui, il mourra pas. Puis là, un moment donné, il dit à Hercule, il dit, moi, je sais comment je vais mourir. Il dit, je meurs d'une flèche en plein cœur, une flèche enflammée en plein cœur. Puis, fait que c'est un peu le running gag du film parce qu'il dit, moi, je suis prêt à mourir. Là. Je dis, j'ai vécu assez longtemps. Tu vois qu'il est vieux, mais vieux de nos jours puis vieux dans ces années-là, c'est deux choses totalement différentes. T'sais, dans ce temps-là, t'avais comme 35 ans puis t'étais sur le bord, t'étais sur l'article de la mort, là. Tandis qu'aujourd'hui, à 35 ans, tu finis le cégep. Bon. C'était un peu différent, mais non, il est plus vieux que ça quand même, là, mais en tout cas, fait que il y a un peu d'humour, il y a pas trop de dégueulasse. Souvent dans ces films-là, on met du sang et du décapitage de tête et du coupage de bras à profusion. On en met, mais c'est pas exagéré, c'est juste bien dosé. Puis l'histoire est intéressante. Bon, The Rock, pas la poêle, mais l'acteur, fait... on le sait, là, c'est correct. OK, c'est bon. Fait un bon Hercule. Je veux dire, c'est probablement pas le meilleur, mais tu sais, je veux dire, on croit à son personnage. C'est quand même pas trop pire. Ses acolytes sont quand même bien. Il y a des gens un peu différents, tu sais, on croit un peu à l'univers, tu sais, il y a un peu des êtres qui ont l'air possédés, il y a des bébites, mais comme je te dis, on détruit un peu le mythe des créatures mythiques, là. En s'en allant dans le film, on met ça un peu plus terre à terre, fait qu'on déconstruit un peu le gros mythe d'Hercule, fait que ça rend le film un peu intéressant. Mais bon, on a l'impression à un moment donné qu'on est rushé de finir l'histoire. C'est comme on avait un budget puis un temps précis, puis on a dit il faut pas que tu dépasses 140 minutes, fait que finis ça. T'sais, on veut pas que tu dépasses une heure et demie, ben, t'sais, fait que ah ouais, finis ça. Fait que maintenant on a l'impression que c'est rushé, puis on s'aperçoit, puis ah, ok, c'est fini. La fin est satisfaisante, là, c'est correct, mais rien qu'on s'attend pas à un moment donné en. T'sais, quand l'histoire se déroule, à un moment donné, on dit « Ok, lui est méchant, lui est méchant, lui est méchant. » Puis lui, finalement, il est peut-être pas méchant. T'sais. Fait que ça devient un peu évident où ça s'en va. Mais c'est quand même pas pire. Là. Fait que si j'ai une note à y donner, je vous dirais un petit 7. C'est un bon film à regarder chez vous. J'aurais été un petit peu déçu de dépenser 75$ en popcorn, liqueur et autres cochonneries qu'on achète au cinéma pour aller voir ça. Mais tu sais, un film que tu loues à 5$ aux vidéos du coin, ça vaut la peine. On a passé un bon moment à regarder ça. Est-ce que je le regarderai une deuxième fois? Pas du tout. Mais ça a passé un beau petit... Ça mérite d'être honnête, là. Non, mais tu sais, je veux dire, tu le regardes une fois, tu sais, OK, c'était bien. C'est pas trop long. Fait que, tu sais, au pire, si vous n'avez pas aimé ça, vous allez perdre une heure et demie de votre vie. Il y a des affaires pires que ça, là. Donc, je veux dire, c'est quand même pas pire. Regardez-le deux fois au lieu de regarder un Transformers. Fait que c'est à peu près ça. Fait que ça vaut la peine d'être vu. Si vous êtes un amateur de The Rock, c'est un de ses bons films qu'il a fait dernièrement. Je sais que c'est peu dire parce que ses derniers films ont été plutôt push, là, mais bon. Fait que si vous êtes un amateur de The Rock, de Hercule, de films d'action, ben allez louer ça puis vous vous ennuierez pas trop. Bon, ben... OK. C'est pas mal ça. C'est pas le film de l'année. Ça gagnera pas un Oscar. Non, hein? Mais ça fait le travail. Les effets spéciaux sont quand même pas pires. Il y a des choses, ça paraît que le budget était pas nécessairement... C'était pas nécessairement là. Mais pour le reste, là, on y croit moyennement bien. Là. Ça a quand même de l'allure. Bon, ben, c'est correct, ça. On y va avec toi, Dan. Tu vas nous conclure ça, cette belle émission-là avec The Wolf Among Us. Ah, certain. Écoute, je vais vous conclure ça en toute médiocrité. Non, c'est pas vrai. 5 sur 10. Merci, au revoir. Ouais, c'est ça. Bye. Non. Ben non, surtout que The Wolf Among Us, c'est quand même un jeu qui est très intéressant. Je connaissais pas ça, moi, l'univers des Fables. Puis là, je parle pas des jeux de Lionhead. Là. L'univers Fables... Honnêtement, ça me disait rien. J'en ai très, très vaguement entendu parler. Jusqu'à temps que je plonge dans The Wolf Among Us, pourquoi je vous parle de cet univers-là, c'est que le jeu est tiré de ces bandes dessinées-là. Et honnêtement, c'est pas du tout à quoi je m'attendais. Pour vous faire ça simple, là, imaginez vos personnages de contes de fées préférés, que ce soit Disney ou peu importe, là, dans un univers hyper lugubre, hyper sombre. Il y a beaucoup d'humour noir dans The Wolf Among Us. Les personnages sont déprimés. Je vais juste vous mettre en scène certains des personnages pour bien vous illustrer ça. Toi, le joueur que tu es, tu incarnes Biggie. de Big Biggie, qui est le grand méchant loup dans Le Petit Chaperon Rouge. Donc, toi, tu es ce personnage-là en version humaine, quoique si on tape trop ses nerfs, ça se peut que tes yeux changent de couleur puis que tes ongles poussent. Donc, t'incarnes ce personnage-là à New York dans un coin de ville qui est empreint de magie pour pas que les humains voient ce qui se passe réellement. Donc, vous voient pas certaines transformations, voient pas certains effets magiques aussi des personnages de contes de fées. Donc, toi, tu vis là-dedans. Mais cet univers-là, ce coin de New York-là, est extrêmement lugubre. Pour vous dire, Biggie, donc celui que t'incarnes, tu es un shérif qui veille à ce que ton coin de ville soit le plus propre et net possible. Mais là-dedans, il y a, par exemple, le chasseur qui sauva le Chaperon Rouge. Et dans cet univers-là, le chasseur est un batteur de femmes et un alcoolique aussi. Donc ben oui, déjà, pourquoi pas? Ben déjà là, tu vois que, OK. On s'est permis quelques petites libertés. Pas petites, des grosses à peine, libertés. À peine. Écoutez, juste pour vous dire un peu là, où certains personnages vont, par exemple, Belle et la bête, OK? Belle est une femme soumise, plus capable de son mari hyper contrôlant, tandis que la bête, lui, est un pauvre demeuré, pas d'emploi, qui est hyper jaloux. Fait okay. qu'on est là-dedans. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Ben, Blanche-Neige occupe quand même un rôle assez important et elle est la un peu la femme à tout faire de Ichabod Crane qui est dans Sleepy Hollow. Et Ichabod Crane est un vieux despote qui règne sur la ville comme un... Comme un despot, finalement. Ben, en fait, OK. Non, mais tu sais, il est très... En fait, c'est l'équivalent là de... voyons, tu sais le personnage là des contes de Noël là, celui Scrooge. De Scrooge, c'est ça, c'est l'équivalent de Scrooge dans The Wolf Among Us. Donc t'as des personnages qui sont extrêmement noirs, c'est pas un jeu pour les enfants, pas du tout, même si ça met en scène des personnages de contes de fées, parce que là on a vraiment pris un côté qui est beaucoup plus lugubre, beaucoup plus sombre. Puis honnêtement, c'est ça qui fait toute la beauté du jeu, là, aussi paradoxal que ça puisse être. C'est le fait que certains princes charmants soient des junkies addicts au crack et à l'héroïne. C'est le fait que Biggie, ben, t'explore sa personnalité qui peut être autant altruiste que très, très négative. C'est le fait que il y ait certains contes de fées aussi, certaines conclusions de contes de fées qui soient complètement modifiées. Je vais vous laisser jouer pour deviner quelle était la motivation du chasseur à sauver le petit chaperon rouge. Vous allez voir que c'était pas de bonté de cœur. Fait que c'est tout ça qui fait en sorte que l'univers est extrêmement intéressant à explorer. Puis il faut le dire, Telltale Games, depuis qu'ils ont développé, on disait tantôt, les Back to the Future Walking Dead, ont acquis une certaine expertise pour développer des histoires qui sont très intéressantes. Puis, dans The Wolf Among Us, je dirais que même le travail qui a été fait est encore plus solide que celui qui a été effectué sur The Walking Dead. Personnellement, c'est une trame narrative dans laquelle j'ai vraiment, vraiment accroché. Vous allez prendre du plaisir à explorer ce côté-là des personnages de contes de fées que t'es pas habitué de voir puis que tu vas peut-être pas t'habituer à voir non plus. Fait que, mais je vous le dis, c'est un scénario qui est hyper solide. Il y a plusieurs rebondissements. En fait, The Wolf Among Us, si vous vous procurez la collection comme moi je l'ai faite, ça regroupe les 5 épisodes qui ont été lancés au travers de l'année dernière. Et à travers ces 5 épisodes-là, vous allez voir, il y a plusieurs rebondissements. Disons que la fin du premier épisode, je l'ai pas vu venir pantoute. J'ai été extrêmement surpris, puis ça m'a poussé à... Ah ouais, OK, on continue tout de suite sur l'épisode 2. C'est un peu comme, tu sais, les séries, là. Tu sais, ça finit sur des cliffhangers, là, puis là, t'as juste envie de continuer. Fait que pour rien qu'on appelle ça épisodique, là. C'est calqué sur la formule d'un épisode, là. Oh oui, vraiment. Je dirais, par contre, c'est pas tous les épisodes qui sont, disons, de la même qualité. Il y en a certains, en tout cas, c'est moins bien réussi que d'autres, mais en général, ça fait un bel ensemble, puis il y a assez d'éléments pour vous pousser à continuer votre aventure puis vos enquêtes, parce qu'il va y avoir des meurtres là-dedans, ce que les gens de ce quartier-là sont pas habitués. Donc, vous allez voir que ça va vous pousser à continuellement à vouloir en savoir plus. Au niveau du style de jeu, ça ressemble énormément à The Walking Dead beaucoup plus que Back to the Future. C'est très, très, très similaire. Donc, si vous avez joué à The Walking Dead, ça va être un style que vous allez vraiment retrouver. En fait, je dirais la seule grosse différence, c'est qu'il faut agir beaucoup plus rapidement. T'as pas beaucoup de temps de réflexion au niveau de tes choix de réponse. Donc, quand toi, t'as un choix effectué, disons qu'il faut que tu lises rapidement les choix de réponse. De ce que j'ai vu, le jeu est pas en français non plus. Donc, ceux qui sont moins à l'aise avec l'anglais, ça risque de vous poser un problème. Mais il faut que tu réagisses assez vite. Là, t'as pas un temps infini là, pour répondre ou pour effectuer un choix. Les choix te suivent, comme dans The Walking Dead, comme dans Back to the Future aussi. Les personnages peuvent se rappeler de ce que tu fais, peuvent se rappeler des réponses que tu leur as données. Donc, si par exemple, t'as pas été ben fin avec un personnage, ça se peut que tu vives des conséquences, pas nécessairement dans le même épisode. Ça se peut que ça soit deux ou trois épisodes plus loin que tu vives certaines des conséquences que des choix que tu as effectués. Ce qui est intéressant, ce qui pousse aussi à recommencer tous les épisodes pour effectuer différents choix. Je dirais qu'il y a moins de choix déchirants à faire que, par exemple, dans The Walking Dead. Dans The Walking Dead, moi, des fois, je me suis ramassé là, avec des choix où, sérieusement, ça venait me chercher émotivement. J'ai eu une émotion plus qu'une fois dans The Walking Dead. Dans The Wolf Among Us, moins. C'est des choix un peu moins intenses. C'est beaucoup plus au niveau, OK, ben comment que je veux que le shérif soit perçu? C'est plus comme ça. Donc, c'est moins... ça vient moins de chercher un petit peu. Ça enlève rien à la trame scénaristique. C'est juste, c'est moins, disons, prenant. On te fait-tu un compte-rendu de tes choix à la fin, pareil comme dans Walking Dead? Ouais. Ben, on te fait un espèce de compte-rendu. On t'indique aussi ce que les joueurs ont choisi. Okay. Donc, par exemple, 65% des joueurs ont choisi telle option au lieu de l'autre, t'sais, des choses comme ça. Donc, toi, tu peux te comparer un peu ou tu peux dire si t'es original ou si finalement tu rentres dans le moule. Je vous annonce que je ne suis point original et que je fais partie du moule de la société. Bon. Ça m'a un peu déçu. Je suis loin d'être unique. Mouton. Ouais, c'est ça. Espèce de brebis. Ouais, c'est ça. Je suis un gros mouton. Mais en même temps, Jean-Marc Parent le disait à l'époque, tu sais, on est tous pareils, on veut tous être différents. C'est ça. C'est... OK, ça y est, tu viens de me fendre la tête en deux. Eh ouais, encore une fois. Ah, c'est beau. Mais il n'y a pas tant de casse-tête que sur dans le jeu. Il y a certains petits éléments que tu vas pouvoir récolter. Oui, ça va te permettre, par exemple, de faire certains choix ou de faire avancer certaines enquêtes que tu n'aurais pas pu faire si jamais tu n'avais pas récolté les objets. Mais c'est pas un jeu d'aventure où il y a plein d'énigmes, où il y a plein de choses à résoudre. On n'est pas là. On est beaucoup plus dans le lien du personnage ou des personnages avec le joueur. On est beaucoup plus là-dedans. Donc, j'avertis, c'est pas un jeu où vous allez nécessairement vous casser la tête. C'est plus un jeu où vous allez être amené à faire des choix, à suivre des dialogues, puis à explorer vos environnements finalement pour être sûr que rien vous a échappé. Mais il n'y a pas tant de cassage de tête que ça, ce qui devrait te plaire, JB, quand même. Mais il n'y a pas de headshot, par exemple. T'as pas de chariot à traîner non plus. Non, t'as pas de chariot non plus, malheureusement. Par contre, il y a des séquences d'action et là, il faut que vous soyez assez vite sur vos boutons. C'est pas dramatique si jamais vous ratez. Là, vous pouvez quand même mourir, entre guillemets. Là, vous allez mourir, vous allez recommencer quasiment à l'étape où vous étiez. Mais il y a quand même certaines séquences où, par exemple, vous allez voir le personnage va courir. C'est des quick time events, donc il va falloir que, par exemple, tu bouges ton bâton analogique à gauche, à droite, peser sur tel piton. Donc, tu sais, dans The Walking Dead, c'est un peu la même chose. Je dirais que dans The Wolf Among Us, la différence, c'est que c'est peut-être plus intense. Il y a plus de boutons à peser. Il faut être plus rapide aussi au niveau de ce qu'il faut presser. Donc, les séquences d'action sont peut-être un peu plus intenses, mais rien de hyper dramatique. Je dirais vraiment le cœur du jeu, c'est au niveau narratif. Donc, si vous aimez les jeux où finalement l'histoire prend une très, très grande importance, puis où vous... Tu sais, ça ressemble un peu à une espèce de roman interactif, c'est pas ça. Vous allez quand même pouvoir bouger avec Biggie, vous allez pouvoir explorer certains environnements, mais c'est beaucoup plus un style de jeu qui se rapproche d'un roman interactif que, par exemple, d'un jeu tiré à première personne plein de headshots. Donc, tu sais, il n'y a pas tant d'interactivité que ça, finalement, avec tout ce qui compose le jeu, là. Mais, titre intéressant. Honnêtement, j'ai été bien surpris. C'est un univers que je connaissais pas, puis j'ai définitivement envie d'en savoir plus. Bon, ben intéressant. S'il y allait de notes... Je vais mettre un 8. 8 pour l'ensemble. C'est comme je vous dis, faut aimer ce style-là. Faut aimer les styles de jeu où justement c'est un peu plus lent. Faut pas aimer que ça explose de partout. Il y a de l'arrachage de tête puis où ça pisse le sang là, puis où il y a beaucoup d'action. Mais si vous aimez les jeux un petit peu plus calmes, puis les jeux où vous allez finalement apprendre à connaître les personnages, apprendre à aimer les personnages aussi, moi je vous invite fortement à y jeter un œil. Bon, ben tant mieux. Enfin, on a un bon jeu ce soir. Ouais, ce soir. Ça, je peux siffler d'habitude dans mes critiques. Je descends pas tant que ça. Si on veut, parce que c'est ce qui complète pour ce qui est de l'émission de cette semaine, c'est ce qui fait le tour de nos sujets. Si on veut, les gars, vous retrouver, on va y aller avec toi, Luc. Ben, sur Twitter, @Calazormo. Vous pouvez aussi écouter deux autres podcasts que je fais. Un qui s'appelle Histoire de Gamer, dont j'enregistre un autre épisode la semaine prochaine. Et puis aussi le podcast du podcast Auto. Vous pouvez aussi me lire sur le blog de Kijiji où j'écris sur l'automobile à frkijijiblog.ca dans la section véhicules. Puis c'est pas mal ça. Daniel, de ton côté. Ah, plusieurs belles et quasiment passionnante de toute façon. Twitter, @DracoADG. Twitch, allez me follower sur Twitch, j'aime ça. Je me suis découvert une passion pour le streaming. En tout cas, puis si vous voulez rire de moi aussi, j'essaie de diffuser le plus de parties que je peux. Donc, twitch.tv/Draco_QC. Sinon, ben cherchez juste Draco, petite barre en bas QC, vous allez pouvoir me trouver. Sinon, différentes publications web, m2gaming.ca, epilegendaire.com, affairesdegas.com aussi. Ça se peut aussi que vous voyez mon nom dans les merveilleux métros de Montréal. Les jeudis et samedis, mes critiques de jeux y apparaissent. Pis wow! Ah, oh, écoute, t'es cœur, hein? Wow! Pis toi, mon sympathique JB? À la barre de ce beau programme, la réalité augmentée, dont ce fut encore une fois un plaisir d'animer, vous pouvez me rejoindre sur mon compte à moi personnel, @gangj_b. Donc, gagné, mais pas d'accent, J, petit bord en dessous, B. C'est simple comme bonjour. Attends, je prends des notes, là. Sinon, sur Facebook et sur Twitter, on a un compte officiel pour la réalité augmentée, @realitéhug pour Twitter. Facebook.com/realitéhug pour Facebook, bien sûr. Ça serait bizarre que le compte Twitter s'appelle Facebook.com. Et sinon, on a une adresse courriel, realitéhug@outlook.com. Realitéhug, là, c'est pour augmenter, donc AUG, bien sûr, le hug. C'est ainsi que vous pouvez me rejoindre, moi, mais aussi rejoindre l'équipe de la réalité augmentée. Ce fut un plaisir. J'ai eu du fun encore une fois aujourd'hui, les amis, à faire ça avec vous. Merci beaucoup, les boys. Merci à toi. Content d'avoir fait ton plaisir. Yeah! Et merci à tous les auditeurs d'avoir été du rendez-vous. On se dit à une prochaine fois dans un autre élément de la réalité augmentée. Bye bye, tout le monde. Bye. Bye.